butu nenzo kanguga ya baloki Richard Dingi na moni yango na bisolelo yo nani mimo kilinzo kama kalambaye sinu luto na dio mayo sema ninga yo molia kanaye koya kome mayo sango sayo bomba ninaye mopepe ya ki ekwe isi banda kope ekwe isi bazete epe kidimu sima ya muatango moi mobili Kamibale, mosusu ya bolingo, mosusu ya lekobo elevena Pour les flatteurs, les vitres dépend de celui qui l'écoute Pour confiance, la pesa qui yota la le loyote kimba Pour la yuda si ya te kaka yesu Si ma kende ke komi bo masoma komo na makila ya moto Ambara de Saint-Ouer, trahis ton voisin et ne consulte personne Le grand prof, Franck Mami, IMP Le président Souleymane Samba, Micho Koto, viens! Naye koko pana mi teza la kami balé. Guiman toi, mosusu ya bolingo, mosusu ya le kobo elevena. Solange, le frateur, ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. C'est l'incana. Confiance, la pesa qui yota la le loyote kinga. Beti bokonye. Si ya te kaka yesu. Si ma kenye ke komi bo ma soma komo na makila ya moto. Vous êtes prêts? Ouais! Let's go, ma Feli de Bruxelles. Namo kini soki o beti bako Evala Costa Soki o segi bako pesa yo na roboti dumi Tala nenge o bominga mama zoe Jipe chaeka Tala nenge o bominga jano mutombo Mama aye isanga boye pa fekudi Mama alubela nono mula neboyo Pesa yo na